Les participants à la 8e conférence de l'Organisation des enfants de Corée continuent leur tournée dans la ville de Pyongyang. Les enfants délégués ont visité le musée de la Révolution coréenne réaménagé en sanctuaire d'éducation dans la tradition révolutionnaire, l'exposition de photos consacrée au 61e anniversaire de la fondation de l'Organisation des enfants de Corée pour voir les exploits des grands hommes sans pareil, le musée central d'éducation de classe qui dénonce la nature agressive et exploiteuse des États-Unis, du Japon et des ennemis de classe, ainsi que leurs atrocités, le zoo central, le muséum, le parc de distraction de Mangyongdae, le parc de la jeunesse de Kaesŏn, le parc du peuple de Rungnan, le delphinarium de Rungla, et assister aux séances de films dans les cinémas de la ville.